Christo aussi, avec toutes ses forêts, toutes ses vieilles forêts sans lumière. Mais on peut égayer tout cela si l'on veut, et puis la joie, la joie. Mais dis-moi quelque chose, n'importe quoi, je ferai tout ce que tu voudras. Oui, c'est vrai, on ne voit jamais le ciel ici. Je l'ai vu pour la première fois ce matin. C'est donc cela qui t'a fait pleurer, ma pauvre Mélisande. Ce n'est donc que cela. De ne pas voir le ciel. Voyons, tu n'es plus à l'âge où l'on peut pleurer pour ces choses. Et puis l'été n'est-il pas là? Tu vas voir le ciel des vents. Et puis l'année prochaine. Voyons, donne-moi ta main. Donne-moi tes deux petites mains. Ces petites mains que je pourrais écraser comme des fleurs. Tiens, où est l'anneau que je t'avais donné? Oui, la bague de nos noces. Où est-elle? Je crois qu'elle est tombée. Tombée? Où est-elle tombée? Tu ne l'as pas perdue? Oh, elle est tombée. Elle doit être tombée. Mais je sais où elle est. Où est-elle? Vous savez bien, la grotte au bord de la mer. Oui. C'est là. Il faut que ce soit là. Oui, oui. C'est là. Oui, oui, tout à fait sûr. Je les sens déglisser. Il faut aller la chercher tout de suite. Maintenant, tout de suite, dans l'obscurité. Maintenant, tout de suite, dans l'obscurité. J'aimerais mieux avoir perdu tout ce que j'ai plutôt que d'avoir perdu cette bague. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas d'où elle vient. La mer sera très haute cette nuit. La mer viendra la prendre avant toi, dépêche-toi. Je n'ose pas aller seul. Vas-y avec n'importe qui. Mais il faut y aller tout de suite, entends-tu? Dépêche-toi de m'en appeler à y aller avec toi. Avec Pélias, Pélias ne voudra pas. Pélias fera tout ce que tu lui demandes. Je connais Pélias mieux que toi. Vas-y, hâte-toi. Je ne dormirai pas avant d'avoir la bague. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. se distingue plus du reste de la nuit. Il n'y a pas d'étoiles de ce côté. Attendons que la lune ait déchiré ce grand nuage. Elle éclairera toute la grotte et alors nous pourrons entrer sans danger. Il y a des endroits dangereux et le sentier est très étroit entre deux lacs dont on n'a pas encore trouvé le fond. Je n'ai pas songé à emporter une torche ou une lanterne, mais je pense que la clarté du ciel nous suffira. Vous n'avez jamais pénétré dans cette grotte? Non. Entrons-y. Il faut pouvoir décrire l'endroit où vous avez perdu la bague, s'il vous interroge. Elle est très grande et très belle. Elle est pleine de ténèbres bleues. Quand on y allume une petite lumière, on dirait que la voûte est couverte d'étoiles comme le ciel. Donnez-moi la main, ne tremblez pas ainsi. Il n'y a pas de danger, nous vous arrêterons. La clarté de la mer. Est-ce le bruit de la grotte qui vous effraie? Entendez-vous la mer derrière nous? Elle ne semble pas heureuse cette nuit. Famine dans le pays. Pourquoi sont